Pris sur le vif. Écoutez. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la gymnastique en France après ces championnats d'Europe junior? J'ai été souvent déçu par des athlètes dans ma vie d'entraîneur, mais cette fois, je ne cache pas ma satisfaction. L'équipe de France a déjà ses réserves assurées. Bien sûr. Les trois jeunes qui ont été présentés... Non, non, le trio de Lyon n'est pas unique. D'autres juniors, d'autres cadets sont très bien entraînés par leur club. Alors, tous les espoirs sont permis? Parfaitement. Répétez. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la gymnastique en France après ces championnats d'Europe juniors? J'ai été souvent déçu par des athlètes dans ma vie d'entraîneur. Mais cette fois, je ne cache pas ma satisfaction. L'équipe de France a déjà ses réserves assurées. Bien sûr, les trois jeunes qui ont été présentés... Non, non, le trio de Lyon n'est pas unique. D'autres juniors, d'autres cadets sont très bien entraînés par leur club. Alors, tous les espoirs sont permis. Parfaitement. Écoutez. Malgré une bonne préparation, les Fittipaldi ont fait des performances médiocres. Comment l'expliquez-vous, Rosberg? La victoire n'était pas au-dessus de mes forces. La voiture impeccable, frein, tenue de route, moteur, pas de problème. Pourtant, vous n'êtes pas arrivé à battre la Ligier. Ça me paraissait tout à fait faisable. Mais la Ligier, de toute évidence, est encore mieux au point. Répétez. Malgré une bonne préparation, les Fittipaldi ont fait des performances médiocres. Comment l'expliquez-vous, Rosberg? La victoire n'était pas au-dessus de mes forces. La voiture impeccable, frein, tenue de route, moteur, pas de problème. Pourtant, vous n'êtes pas arrivé à battre la Ligier. Ça me paraissait tout à fait faisable. Mais la Ligier, de toute évidence, est encore mieux au point.